la paix, toujours et encore la paix, on n'en parlera jamais assez. Quand on l'a, on s'en soucie peu, mais quand on la perd, il faut des sacrifices en vie humaine pour peut-être qu'elle revienne. Prévenir vaut mieux que guérir. Je sais que les tensions, de près ou de voir sur les chorales, débouchent parfois sur des voies qui mènent en enfer. Voyez comment faire, moi je n'attends pas le chaos avant de crier à l'aide. Je n'attends pas l'épidémie avant de parler de remède. En termes simples, clairs, je n'attends pas la guerre avant de parler de paix. Alors torche déjà, voilà ce que je demande. Baniye, otenu ndwane mpo Burkina Bani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani. Ce qui arrive aux uns arrive aussi aux autres qui pensent que ça n'arrive toujours aux autres. C'est ensemble qu'on a fait partir un régime. C'est ensemble qu'on installera un nouveau régime. Peuple du Burkina, je sais que chacun a son candidat, chacun a son président, son choix, ses préférences, son parti politique. Mais la politique est l'arme la plus dangereuse qui soit. Bien utilisée, elle garantit la stabilité, le développement, la paix dans un pays. Mais mal utilisée, elle détruit plus qu'on ne l'imagine. Demandez à nos voisins de la RCI. Burkina Burkina Burkina. Alors ici je pèse en guerre contre ceux qui disent qu'ils ont de l'amour pour ma nation, alors que leur discours est teinté de profanation. Ceux qui prétendent qu'ils ont des solutions à nos maux, alors qu'ils n'ont que des menaces de sens vides de leurs mots. Ceux qui pensent d'abord au pouvoir avant de penser au peuple. Pourquoi ils veulent toujours cacher la fête? Dans le calme, ils veulent toujours la tempête. Leur mélodie n'est pas fluide, elle est vide. L'hypocrisie et la défaite sont leur guide. Aventuriers, opportunistes, leur regard est froid et triste. Leurs danses, leurs pas sont sombres, lugubres et macabres. Ils s'excitent dans l'ombre, pivotent dans le vent leur sabre. Le parfum du pouvoir et ses illusions les attirent. Ils dansent d'ivresse, fesse-toi déjà et voudraient tout détruire. Nous sommes avertis et nous avons nos lanternes et nos bougies, nos cœurs chantent liberté, justice et démocratie. Nos cœurs battent pour le futur de notre patrie. Alors enfants du Faso, restons éveillés, le mal n'est jamais loin. Baniye, otenu ndwane mpo Burkina Bani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani. Je lance un appel à tous nos politiciens, à tous ceux qui pensent que c'est maintenant ou jamais le moment pour eux de devenir président. Ceux qui nagent en contre-courant, les faibles qui veulent à tout prix un passage en force comme on le voit partout dans le continent. Qui est plus présidentiel que qui sur les murs blancs de Kosiam? Moi je n'ai pas vu écrit le nom de qui que ce soit, mais mon sable de Gourmandje, mais du soir des élections, un Burkinabé sera élu président du Faso. Alors si c'est toi, tant mieux, et si c'est pas toi, là aussi tu peux encore faire mieux. Appelle tes partisans à la mobilisation pour le soutien de leur élu. Jenguri Burkina Bwanla, Baniye Burkina Jemani. Jeunesse du Faso, armons-nous de foi, de résistance et de courage. Que personne ne nous prenne encore en otage. Que personne ne nous manipule au profit des intérêts personnels. S'ils s'entêtent à vouloir s'aimer le vent, la tempête sera leur récolte. On sera toujours là, prêt à la révolte. Armée, parti politique, société civile, aucun être humain n'a à lui seul la voix et les moyens absolus pour le salut d'un peuple. C'est avec le cœur serré que je demande au bon Dieu de nous assister. Parole de guerrier. Baniye, otenu ndwane mpo Burkina Bani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani. Baniye, otenu ndwane mpo Burkina Bani, otenu nguri Burkina Bwanla. Baniye, Burkina Jemani. Les présidents et les politiciens, ça vient, ça va, mais le pays demeure. Alors, que voulons-nous pour nos futures générations? Burkinabé, nos valeurs culturelles, sociales, ce qui nous lie au Faso, est plus fort que le pouvoir, la politique et les politiciens. Le pays, la patrie d'abord. Que Dieu nous bénisse.